Jean-Claude Serrero, coordinateur des recherches sur le bruit au ministère de l'Environnement, est aussi expert près de la Cour d'appel de Paris. Il tente, dans l'expertise judiciaire, de concilier la pratique administrative et la réalité du terrain. Les finalités du faiseur de bruit, comme celles de ses victimes, échappent quelquefois au strict cadre juridique. Prudence, délicatesse et expérience sont alors de mise pour réussir une expertise. Jean-Claude Serrero. Alors, je dirais ma pratique. Elle n'est pas généralisée, mais voilà comment je procède. Je prépare bien ma première réunion contradictoire, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'expertise judiciaire, le caractère essentiel contradictoire me paraît la chose la plus difficile à faire apparaître dans les troubles de voisinage liés au bruit. Pourquoi ? Parce que quand on va découvrir des personnes qui sont en face de vous, en fait, vous en trouvez toujours quatre. Le demandeur, c'est-à-dire le plaignant, le faiseur et leurs avocats. Et donc, la première réunion, finalement, c'est chacun va se jauger. Vous, vous êtes investi d'une autorité, disons judiciaire, et puis vous avez des gens qui sont en conflit, puisque s'ils viennent jusqu'en judiciaire, c'est que toutes les démarches qu'ils ont entreprises bien avant, et qu'on ne connaît pas forcément au sein du dossier, n'ont pas abouti. Donc, on arrive déjà dans un esprit conflictuel. Il y a, disons, un rapport, je dirais, de pouvoir, et ça, on le sent très bien entre les deux parties, et il y a un rapport de pouvoir à trois. Et la difficulté que l'on a, c'est qu'également, vous avez des rapports de force entre l'avocat qui défend son client, et ils n'ont pas toujours le même discours. Alors ça, c'est très important, et je dirais que, par expérience, si, quand on lit la mission aux deux parties en début de réunion, eh bien, lorsqu'on va expliquer un petit peu les opérations d'expertise à entreprendre plus tard, il y a deux discours qui sont très clairs et très distincts. Les plaignants, eux, ils sont toujours favorables à faire des mesures. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent justifier, comme quoi ils ont fait une action en justice, que c'est mesurable, que leur plainte est bien fondée. En revanche, les faiseurs de bruit, et c'est là, je rejoins un peu ce qu'a dit M. Moll ce matin, c'est le rapport à l'argent. C'est que des questions d'argent au niveau des faiseurs de bruit. Pourquoi ? Parce que déjà, on se trouve à un stade conflictuel, je vous l'ai dit, et que finalement, lorsqu'on va en justice, la justice coûte cher. Et là, il n'y a que des rapports d'argent au niveau du discours du faiseur. Alors, j'ai, pour décrisper un peu le conflit de la première réunion, et moi, c'est une expérience que je fais maintenant systématiquement et qui porte ses fruits. Je fais visiter les lieux aussi bien chez le plaignant que chez le fauteur de trouble. Et vous ne pouvez pas savoir comment, en fin de réunion, de la première réunion contradictoire, déjà il y a une décrispation. Et je dirais que là, je dis que je réussis ma mission à 60%. Alors, il y a aussi un aspect qui est très important, et que je voudrais dire, parce que ça aussi, c'est au fil des années, j'essaie de démystifier la mesure. Je ne dis pas que je ne fais pas de mesure, mais je dirais que beaucoup de personnes se figurent que parce qu'ils voient un appareil, que c'est la science qui arrive dans leur logement, qu'on va faire de très belles mesures, et je dirais que ça les réconforte, quelque part. Je dirais que ça réconforte aussi l'expert, par la même occasion, mais je ne pousse pas à la mesure. Je préfère un dialogue avec les différentes parties. J'essaye d'analyser un petit peu l'origine du litige, aussi bien dans le vécu du plaignant que dans le vécu du fauteur de trouble. Et j'essaye de me faire une opinion, un petit peu, avant mesure, de l'importance acoustique du litige. Là où le problème est le plus délicat pour moi vis-à-vis de la justice, c'est-à-dire qu'il faut que je remette un rapport, c'est comment de rédiger quelque chose lorsque j'ai un litige qui est lié au comportement des gens. Bon, la raison simple, c'est qu'en fait, toute la réglementation, quelle qu'elle soit, ne légifère pas sur le comportement des gens. Alors, il est très délicat. Donc, c'est vrai que le juge vous laisse apprécier le litige. Mais, en revanche, quand vous avez le type de bruiteur avec un équipement, une VMC ou un extracteur d'un restaurant, par exemple. Là, bon, il y a des règles, c'est bien figé réglementairement, mais je ne vous cache pas qu'il m'est arrivé d'avoir donné raison au fauteur de trouble, même s'il était non conforme à la réglementation, parce qu'il se trouvait dans un contexte que la réglementation ne prend pas en compte. Alors, bien sûr, on joue le rôle d'arbitre, et il faut rédiger, dans ce cas-là, un rapport qui ne rappelle que des faits techniques, hein, madame le juge ne le contredira pas, et il faut s'abstraire de donner des faits subjectifs. Et là, il est toujours délicat, dans ce cadre-là, de faire un rapport, je dirais, objectif, entre guillemets. Je prends l'exemple d'un restaurant où il y a un extracteur en toiture qui rayonne du bruit. Bon, ça, c'est très facile à faire la mesure. Mais je dirais qu'on peut trouver des cas où, j'ai trouvé ce cas-là, où finalement le faiseur de bruit avait une attitude, je dirais, de provocation. C'est-à-dire qu'il utilisait l'extracteur à bon escient pour que les gens se plaignent. Mais, toujours pareil, il faut déceler dans leur discours la finalité de leur action. Et dans ce cas de figure, la raison simple, c'est qu'ils voulaient racheter l'appartement du plaignant. Pour conclure, je dirais que j'ai des faiseurs de bruit. Pour moi, il y a une étude à faire sur le rapport à l'argent. Et je crois que là, il y a quelque chose d'important. Je crois qu'il faut néanmoins ne pas dissocier les faiseurs. Je conçois très bien qu'au niveau de la recherche, on étudie les faiseurs, on en a discuté longuement ce matin, mais je crois que dans la pratique, sur le terrain, on ne peut pas dissocier les faiseurs des plaignants. Et je crois que là, il y a toute une étude à faire sur les articulations entre les rapports de force, aussi bien entre les personnes qui font l'objet du litige, mais également de leurs conseils, parce que il ne faut pas cacher que les avocats aussi ont leur petit jeu dans ce genre de litige, et que ces rapports-là peuvent être aussi tendancieux. Il est certain qu'ils essayent aussi d'influencer l'expert. Ils essayent de jouer au niveau de la communication des pièces. Enfin, il y a des tas d'astuces aussi qui agacent un peu l'expert, mais qui témoignent aussi d'un certain comportement. Alors, en conclusion, je dirais que au niveau des expertises, il y a des faiseurs de bruit aussi qui sont conscients de leurs problèmes et ils veulent les résoudre. Et qui font amende honorable lorsqu'on leur explique bien la chose, et notamment lorsqu'on fait visiter justement l'appartement du plaignant. Alors j'ai l'exemple d'un cas, d'un squash, où finalement, tant que l'exploitant du squash n'avait pas perçu les bruits chez le plaignant, eh bien, il ne se rendait pas compte du dommage qu'il créait à cette personne et à toute la copropriété. Et du jour où il a perçu les bruits à minuit ou 1h du matin des joueurs de squash, eh bien, il s'est rendu compte que là, effectivement, son exploitation était, disons, elle lésait tous les riverains. Donc, on arrive à trouver des cas de figure où, disons, les faiseurs ont bonne conscience et entreprennent des travaux vis-à-vis des paysans.